Grosse fatigue. Dormir semble être une notion totalement étrangère aux éléments mâles de notre famille. Alors que Charlotte a besoin de beaucoup de sommeil et que je puise une bonne partie de mon inspiration dans mes rêves, mes hommes, qui font souvent des cauchemars, n'aiment pas traîner sous la couette. Et pour cause. Ces cauchemars, être enterré vivant, étouffé, se noyer, sont dus à des problèmes respiratoires handicapants qui iront jusqu'à obliger Jean-Paul à passer sur le billard pour se faire opérer du nez. Opération qui tiendra provisoirement. 15 ans d'apnée et de troubles du sommeil plus tard, épuisé, au bord du burn-out, il sera enfin aidé mécaniquement. L'appareil, le masque, l'oxygène ne seront pas sans quelques contraintes, mais amélioreront considérablement sa qualité de vie. Jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'arrêter de travailler et d'être à peu près raisonnable, Jean-Paul partira à 5h du matin, rentrera à 18h, prendra une douche rapide, mangera, sera éveillé et actif jusqu'à 2h du matin. Il ira se coucher puis recommencera. Il s'autorisera généreusement une grasse matinée le samedi matin, au moins jusqu'à 10h. Mais ce faisant, il aura la vague impression d'être paresseux. Il me racontera en riant qu'il lui est arrivé autrefois de s'endormir debout, cigarette au bec, contre le frigidaire. Quel tempérament! Je ne pense pas que j'aurais eu l'énergie de le suivre si j'étais apparue plus tôt dans sa vie. Thomas semble être taillé dans le même bois. Une fois dépassé les premiers mois où un nourrisson est censé dormir 16 heures sur 24, il décide que ça suffit comme ça et commence à s'activer. Dès qu'il maîtrise la marche, qu'il est sûr et certain de s'éviter le ridicule d'une chute, dût-il attendre 15 mois pour cela, il commence ses journées entre 4h30 et 5h du matin. Adieu, repos, terminé, calme, au revoir, grasse matinée. À 15 mois, il marche, à 17, il trotte, à 18, il commence à courir, et je n'ai pas entendu dire qu'il se soit arrêté au moment où vous écoutez ce livre. Au commencement, innocemment endormis à l'étage en dessous, nous ne nous doutons pas encore de ce qui nous attend. Jusqu'au premier matin où nous sommes réveillés en sursaut. Il n'y a pas de dalle en béton dans le chalet. Poc, poc, poc! Le bruit des pas depuis son grand lit, installé fissa parce que trop dangereuse, la voltige par-dessus les barreaux du petit, et jusqu'à la porte de la chambre. Clink! La serrure ancienne qui saute, bam! La porte qui s'ouvre, clonk! La voilà qui heurte le mur, manquant presque de sortir de ses gants. Poc, poc, poc! Les petits pieds qui courent dans le salon à l'assaut de tous les dangers. À ce stade, j'enfile la première chose susceptible de me vêtir, j'apprendrai vite à prévoir, et je monte en courant. Thomas ne nous a pas encore dit que plus tard il deviendrait avionturier, mais les prémices sont belles. Peut-être sera-t-il ingénieur. Il sait que nous mettons quelque chose dans la télévision qui se transforme en image sur l'écran. Bien sûr, à 18 mois, il ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais peut-être qu'en retirant la belle image qui se trouve autour de la cassette VHS et en mettant celle-ci dans la fente du lecteur, ça va fonctionner. Hélas, non. Ça aurait pu, pourtant, l'idée était là. Enfin, maman arrive en titubant. Quelle drôle de tête elle a à 5h du matin avec ses lunettes de travers. Elle récupère l'image en papier, met une sorte de boîte noire à la place, puis appuie sur un bouton. Bingo! Mickey, Donald, Cendrillon, Blanche-Neige et Merlin envahissent l'espace. Je récupère mon fils, le change, lui donne son premier biberon de la journée, regrettant que le temps merveilleux de l'allaitement soit déjà révolu. Je me prépare un lapsang souchon, le thé fumé chinois qui sauve, et hop, nous nous vautrons sur le canapé, sous la couette, nous tenons mutuellement chaud. Ça reste une douce promiscuité. Et je finis ma nuit sur l'air de « Un jour mon prince viendra ». Le mien est déjà là, mais il dort. Après quelques semaines de ce régime, je n'emmène pas large. Ma productivité s'en ressent fortement ainsi que mon humeur. Et Jean-Paul, qui ramasse toutes les tensions au passage, propose que nous nous relayions si nous voulons trouver notre compte approximatif de sommeil. Proposition acceptée à l'unanimité. Quelle sera notre vie pendant les 3 années qui suivent? 7 jours sur 7, vacances, jours fériés, week-ends, compris implacablement. Seule l'école enfantine, qu'il commencera à 4 ans et demi, aura un peu raison de cette énergie débordante. Assez rapidement, au début de cette aventure, nous déménageons notre chambre à coucher. C'est devenu la seule solution viable désormais que de dormir au-dessus de la chambre des enfants. Nous coupons l'atelier en deux avec des étagères bibliothèque et installons notre lit face aux fenêtres. Nous avons vu sur les deux tours, ainsi appelle-t-on la tour d'Aï et le mont de la Mayan, ainsi que sur le Famelon, si joliment nommé. Le spectacle est enchanteur, autant l'été que l'hiver. Peut-être même plus en hiver, tant la lumière est belle en traversant la pièce, quand il y a de la neige des deux côtés de la maison. Comme si le soleil brillait partout. Nous avons mis notre matelas spécial sur des lattes, elles-mêmes posées sur des cageots à pommes. Cela nous hisse à hauteur de fenêtre. Quand nous partirons, nous découvrirons qu'une petite famille de souris, que nous n'avons jamais vue ni entendue, a trouvé l'idée assez bonne pour venir s'installer bien au chaud au milieu des cageots. Ce qui fera dire à un Jean-Paul attendri, « Ça vous a un petit côté, on vit tous sur la même planète, n'est-ce pas ?» Depuis là-haut, s'il ne nous réveille plus en sursaut, nous entendons bien nos charmants bambins, mais nous restons vigilants et continuons à nous relayer. On ne laisse jamais de tels casse-coups hors contrôle. Nous attendrons en vain que Thomas apprenne à jouer tout seul dans son lit. Hélas, habitué qu'il est à avoir ses deux parents à disposition 24 heures sur 24, ce jour béni ne viendra jamais. D'une part parce que notre rejeton est déjà doté d'un fort tempérament de meneur, entrepreneur convaincant si on préfère, mais moi je dis tyran esclavagiste et je passe illico pour une mère déplorable. Et d'autre part parce que nous sommes tellement conscients du miracle que représente la venue de cet enfant dans notre couple que nous tenons à lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Bien entendu, nous essayons tout ce qu'il est humainement possible d'imaginer pour le fatiguer jusqu'à ce qu'il tombe de sommeil. Parfois ça marche, mais jamais longtemps, parce que ses facultés de récupération dépassent de loin les nôtres. Pendant cette période, nous nous interrogeons sur les conséquences de la fatigue, sur la famille en général et sur le couple en particulier. Avec la patience qui s'use, la violence comportementale qui s'installe, l'agressivité, la peur. Comme beaucoup de femmes de ma génération, je suis une maman quarantenaire. Même si dans mon cas, devenir mère à quelques encablures de la ménopause n'est pas un effet de carrière, je l'assume, mais j'en subis les dommages collatéraux. Je commets quelques erreurs grossières, par exemple celle d'accepter par 2 fois une piqûre contraceptive que j'encaisse très mal et qui provoque en moi des sauts d'humeur et des déséquilibres épouvantables. J'arrête les frais avant de devenir infanticide. En outre, étant considérée comme préménopausée, on me prescrit des hormones. Comme si la réputation cancérigène de la chose ne suffisait pas, voilà que je ne les tolère pas non plus. Mais dans mon grand désir d'aller enfin mieux, je persiste et endure. Jusqu'au jour où j'ouvre le journal à la page nécrologie, et constatons que Madame Papeau, Trucmuche et Folichon ont toutes trépassé de leur belle mort bien au-delà de la nonantaine, alors même qu'elles ignoraient jusqu'à l'appellation « hormone », je me dis que je ne risque pas grand-chose à suivre leurs traces, peu désireuse que je suis de dépasser la centaine. Hors de ma vie, les hormones. Quelques années plus tard, pas très loin de chez nous, un homme, guide de haute montagne, pourtant sans doute aussi épuisé que nous l'avons été, secoura son bébé tellement fort que celui-ci en mourra. L'événement nous choquera beaucoup, mais nous ne pourrons nous empêcher de le comprendre, sans pour autant l'approuver, bien évidemment. C'est vrai, que faire face à un tout petit qui explose de vitalité et d'énergie, au point de vous exténuer quand on ne veut pas le gaver de Ritaline? Aujourd'hui, on parle du syndrome du bébé secoué et on commence enfin à prendre un peu mieux en compte les besoins vitaux en sommeil des parents de jeunes enfants, sur un plan médical, sinon politique. En ce qui me concerne désormais, quand je suis trop fatiguée, Jeannot me détourne très facilement de mon devoir imposé par moi-même en me proposant 2 ou 3 merveilleuses tartines de pain frais maison à la confiture d'abricot devant un bon vieux film de Derrière les fagots, si possible avec Doris Day ou Cary Grant. Ça, c'est ce que j'appelle la vraie vie.